juste client dans ce domaine-là. Je me suis retrouvé une opportunité de famille, en fait le lieu appartenait à mon père. D'accord. Et c'était une opération immobilière, il la revendait pour des raisons X ou Y. Je me suis retrouvé à proposer un projet au sein du lieu pour pouvoir un peu payer les charges dans un premier temps et développer un projet qui puisse avoir une certaine rentabilité et être exponentiel avec d'autres projets annexes, etc. Et surtout faire des travaux au sein de l'établissement pour le rénover, pour lui redonner un peu tout son éclat. Ouais. Je me suis lancé en 2007, j'ai commencé par un bar extérieur parce que c'était l'été. Ouais. J'avais un mois d'essai, donc c'était un peu compliqué parce qu'il fallait que je rentabilise l'activité en un mois. Heureusement, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai beaucoup communiqué, j'avais un gros réseau déjà, donc j'étais assistant photographe avant, donc j'avais aussi des contacts dans ce domaine-là. Les cocktails, je me suis bien entouré. J'ai trouvé un bon barman, j'ai cherché pendant assez longtemps. J'ai trouvé un Américain qui était un peu déjanté, qui avait une cinquantaine d'années, qui avait avec son projet, des idées. Donc en fait, tous les deux, on a discuté. Moi, mon concept, c'était de travailler sur des fleurs et que des essences en fait, du Moyen-Âge, des essences oubliées. Donc des vieilles fleurs, des vieux légumes, ce genre de choses. Tous les alcools qu'on ne voit plus actuellement, on voit encore par exemple. Ouais, voilà, maintenant on revoit Génie P qui a un goût du jour, etc. Mais il y a, en 2007, c'était un peu, voilà, tout ça était un peu voilà, hors circuit. J'ai lancé donc le restaurant voilà, en terrasse. Ça a très bien fonctionné parce que c'était l'été, évidemment, et à Paris, les terrasses sont très recherchées, donc ça fonctionne très bien. Tu dois faire partie des top secrets. Ouais, de toute façon, on est la plus belle terrasse de Paris, on va dire. On est une des plus grandes. La deuxième plus grande, c'est le Bristol, sauf que ce n'est pas des superficies de jardin. Ouais. Donc moi, j'estime qu'on est le plus grand jardin hôtelier de Paris. D'accord. Parce que c'est un vrai jardin. C'est-à-dire qu'on a 150 mètres de terre sous nous. On n'a pas de béton ni quoi que ce soit, c'est un vrai espace, il y a des vrais arbres de 15 mètres de haut. Ouais, on a vraiment l'impression d'être... On est à la campagne, on n'entend pas la circulation, il y a des animaux, des poules, il y a un hérisson, plein de choses. J'ai pu amasser un peu d'argent pendant l'été avec le service et ce concept-là. Derrière, j'ai pu faire des travaux pour réhabiliter la cuisine et surtout faire les travaux intérieurs pour pouvoir accepter les gens pendant l'hiver, ce qui était vraiment important pour moi parce que j'attirais les gens pendant l'été et je les perdais pendant l'hiver. J'ai fait jackpot, ça a très bien fonctionné. Les gens réclamaient du gastro et de la bonne restauration. J'étais un peu le cul entre deux chaises, encore un peu bâtard entre mes planches et le développement d'une restauration, on va dire, type légère. Du coup, je suis parti avec un nouveau chef qui avait beaucoup plus de compétences, avec qui on est parti dans un projet semi-gastronomique. D'accord. J'ai en fait fait par palier. Donc, en premier lieu, ça a été le restaurant, où j'avais refait intégralement. Deuxième lieu, avec l'argent du restaurant, j'ai refait intégralement le bar. Et la partie hôtellerie, elle se situe où dans le process? Elle se situe... Alors, la partie hôtelière, au début, moi, j'ai récupéré l'établissement et j'avais mon père qui avait monté une chambre d'hôte. D'accord. Non, de au base, tout début. C'était ça que j'avais récupéré qui était en déficit et qui ne fonctionnait pas bien. Donc, je sautais une étape. C'est vrai que l'endroit est très caché. Je me demande comment est-ce que tu te fais connaître vis-à-vis de la clientèle. Et surtout vis-à-vis de ta clientèle, à toi qui est plutôt premium, je suppose. Ouais. Comment est-ce que tu la touches et comment est-ce qu'elle connaît ton lieu? Alors, elle me connaît parce que les événements, confiés en interne, c'est-à-dire les événements sur le bar, sur le restaurant, les lectures, les après-midi solfège, des soirées avec des DJ, des événements au sein de l'hôtel dans son intégralité où je fais des lancements de produits, je fais beaucoup de choses. Ça me permet d'avoir une grosse visibilité et surtout des retours presse. Ouais. J'ai aussi une responsable de communication qui fait un bon travail et qui nous place dans pas mal d'articles. Ouais. Et on a beaucoup de blogueurs qui sont un peu fascinés par l'hôtel. Et on va dire que Paris, l'hôtel particulier, est un peu un passage obligé pour beaucoup de blogueurs et qui ont de très beaux référencements et beaucoup de followers. Donc du coup, ça permet de contribuer au lieu. Et du coup, ma com se fait comme ça, de bouche à oreille et de l'implication qu'ont les gens au sein du lieu, à faire des photos, des choses, et à faire et à relayer l'établissement sur les réseaux. Beaucoup. C'est principalement les réseaux en 80% de notre communication, ça se passe sur Internet. Okay. L'idée d'avoir un peu ce speakeasy caché qui n'est pas accessible à tout le monde, ça plaît aux gens et du coup les gens se prennent au jeu et aiment bien faire découvrir aussi sur leur... Ouais. Il y a un côté un peu élitiste que de venir ici parce qu'il faut connaître. C'est pas une adresse qu'on peut trouver dans la rue, c'est pas une adresse de passage. Donc du coup... Ça a dû faire peur aussi au début quand tu as repris le lieu, non? Bah tout le monde voulait que je mette un panneau dans la rue ou que je communique. Personne ne comprenait mon idée, mais sauf que je l'ai... J'ai persévéré là-dedans et puis ça a toujours payé. Donc, j'ai gardé cette idée-là et puis surtout ça me permet de sélectionner ma clientèle et d'avoir des gens qu'on connaît, qu'on revoit, qui sont fidélisés et qui aiment le lieu aussi pour cet aspect-là. Il n'y a pas tout le monde qui vient, il n'est pas accessible que depuis la rue. C'est une adresse d'initié. Toutes les belles choses se méritent. Bien sûr, t'as raison. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voulait se lancer dans un projet similaire ou dans un projet hôtelier, qu'est-ce que tu donnerais ? Comme conseil, je crois que le conseil le plus important dans la vie, c'est toujours d'y aller tête baissée et de rater pour réussir. Ouais, je pense que c'est important. Moi, quand j'ai lancé au début, j'ai eu des moments où ça ne fonctionnait pas. J'ai été dans des pertes de thunes incroyables. Ouais, j'étais dans une situation où je n'allais pas garder l'hôtel, où je n'y arrivais pas à m'en sortir parce que j'étais dans le creux de l'hiver et que c'était des moments super durs. J'ai eu les huissiers à la porte, etc. J'ai réussi à faire attendre. J'ai réussi à faire croire à mes partenaires, à mon projet, etc. Et finalement, maintenant, ça paye énormément. Donc, j'ai réussi le pari et maintenant, ces partenaires me suivent aussi pour d'autres projets. Tous mes partenaires ont confiance en moi parce que j'ai toujours été un excellent payeur. Ouais. Mais au début, c'est très important parce que malheureusement, on n'avance pas seul dans la vie. Il faut toujours de bons partenaires. Ouais. Et on n'avance que bien uniquement quand on est... Quand on est bien entouré. Mmh. Mais c'est pas que partenaire financier. Parce que moi ici, j'ai pas de partenaire financier. J'ai tout fait entièrement moi-même. Total, tout 100% depuis le début. J'ai jamais voulu faire entrer quelqu'un dans ma famille. Mes partenaires, ça a juste été mes distributeurs qui ont bien voulu me laisser des facilités de caisse, on va dire des souplesses de paiement. Ça a été mon seul moyen à l'époque de pouvoir un peu dégager de trésorerie, de me permettre de m'en sortir. On n'avance jamais seul. Ce qui est important, c'est toujours d'y aller, d'essayer. Et puis malheureusement, quand on rate, mais on apprend toujours des échecs. On apprend toujours plus parce que malheureusement, le jour où il y a un échec, on sait comment rebondir, on sait comment réagir, on sait que rien n'est une fatalité dans la vie. Ouais. C'est-à-dire que on rate, très bien, on rate, mais. Mais au moins, après, et puis si on rate très bien, on sait écrire, on sait parler, on a déjà 90% plus de chances de plus que la plupart des gens dans le monde. Donc dès lors qu'on sait faire ça, on sait tout faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu as testé ton concept, tu as mis de côté, c'est bien ce que je comprends, et après, tu as réinvesti jamais dégagé. Ici, c'est la seule activité, qui est aussi importante, qui n'a jamais dégagé de dividendes. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on ne s'est jamais dit, ça gagne de l'argent. On retire les dividendes, ça n'a jamais été le cas, on a toujours investi 100% de l'intégralité des revenus de cet établissement. Okay. Et donc du coup, on a toujours travaillé là-dessus, ça va sur le renouvellement personnel, augmenter le personnel, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais maintenant c'est une activité qui a 22 personnes. 90% du travail c'est RH maintenant, c'est plus tout le même métier qu'avant. C'est plus le même métier qu'avant, mais... Ça t'intéresse toujours autant, toi. C'est moins intéressant qu'avant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se dégager pour développer des projets. Mais on est en France, donc c'est tellement le compte pénibilité. Il n'y en a pas pour les entrepreneurs, mais ils devraient en avoir un parce que c'est très compliqué à gérer. Et c'est vrai que ce qui est compliqué à gérer, c'est l'aspect stress au quotidien. Toute la gestion un peu du personnel qui est très compliquée quand même en France, ça, c'est vraiment mon premier problème, bien les gens, on essaie d'être toujours à l'écoute, de bien faire les choses. On a évolué grâce aux gens et ça, on leur fait comprendre. Et donc, chaque personne a son importance. Tout le monde est mis en confiance ici, tout le monde peut parler. Je suis ouvert à la discussion en permanence. Quand on est au stade du lieu et de la gestion d'un seul lieu et l'unique lieu, toute la partie RH, la partie administrative est tellement compliquée qu'on finit par laisser le voir. Il y a des réformes qui sont intéressantes en tout cas pour nous comme pour eux, mais en tout cas il y a des choses qui étaient complètement incohérentes à l'époque qui sont en train d'être mis en place. L'employeur avec qui ça se passe bien avec ses employés, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Là, ça se passe toujours bien. Moi, les gens avec qui je suis content et ça se passe bien, j'augmente les salaires et puis ils restent et je leur donne plus de responsabilités. Et la vie est belle et tout le monde est heureux et puis on n'est pas des enculés de fait. Et voilà. Et ces gens-là vont entreprendre un jour, vont embaucher d'autres gens. Et voilà, c'est vertueux. Et le problème, c'est que quand on est dans un truc où on vous fait garder des gens qui veulent rien foutre et qu'on se fait attaquer derrière, qu'on perd des grosses sommes et que c'est en permanence dans ce sens-là et qu'il n'y a pas réellement de retour concret derrière où on n'a personne à qui s'adresser. En fait, on est seul, il n'y a pas de formation pour l'entrepreneuriat. Donc on se retrouve finalement très seul. C'est-à-dire qu'on se retrouve seul face aux autres. Alors le problème, ce qui est catastrophique, c'est que dans une entreprise, il y a ceux qui comprennent votre situation et qui sont avec vous, qui sont des vrais alliés et qui sont les employés, qui sont des soutiens et qui sont voilà, comme une famille, on va dire. Et puis il y a d'autres gens qui décident d'être à contre-courant de temps en temps, de faire des crasses aux autres, de faire des crasses à tout le monde. Mais je sais que je n'ouvrirai pas de deuxième lieu en France. Je ne le ferai pas. C'est-à-dire si je le faisais, j'aimerais bien tenter l'aventure ailleurs. Il faut redonner goût aux gens d'avoir envie de se battre. Parce que les gens, c'est un combat de monter une entreprise, c'est un combat d'embaucher des gens. Et moi, j'ai lancé un projet qui était facile à gérer. Là, qui a été hyper agréable, etc. Ouais. Et maintenant, je fais un autre métier. Je fais plus le même métier. Et ça, je pense qu'on aura travaillé là-dessus pour que ça se passe bien pour tout le monde et que les gens entreprennent. Parce que j'ai eu des exaspérations moi-même. Hein. J'ai eu un patron qui était un enculé fini. Ouais. C'était un enculé fini. Hein. Mais j'étais adulte. C'est-à-dire que j'ai pris mes clics et mes claques, je me suis cassé. Quoi. J'ai pas eu besoin de l'État, j'ai pas eu besoin de prud'homme, j'ai pas eu besoin de tout le monde, j'ai pas eu besoin de tout ça. Et moi, j'ai un peu un truc en contradiction. C'est un discours où, voilà, je trouve que soit vraiment on prend ses couilles à demain, et oui, des situations qui sont dures, des gens qui n'ont pas de diplôme, des gens qui n'ont pas fait de formation. Moi, j'ai des opportunités, des chances dans la vie qu'on fait que, mais je pense qu'à l'heure actuelle en France, avec toutes les aides, tous les trucs, on a toujours la possibilité de s'en sortir et de faire des choses. Et ce qui est important, c'est voilà, pas d'être dans un truc de négativité, de haine, d'attaquer les gens, d'être dans un truc de contre-productivité. Je pense que voilà, on devrait aider à la formation. On devrait former des gens pour qu'ils fassent des choses qu'ils aiment. Parce qu'il y a 99% des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Et ça, c'est le problème dans la vie. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, on ne le fait pas bien. J'ai dit toujours, au début, je faisais plus de marge maintenant. C'est-à-dire que quand je me suis lancé sur des projets, on était très peu. Quand je faisais des marges, je gagnais plus d'argent. Maintenant, je fais plus de chiffre d'affaires, mais je gagne moins de marge. Fais moins de marge. À l'époque, je gagnais moins de chiffre d'affaires, mais je faisais plus de marge. Et donc, il faut faire attention à vouloir développer une société, la faire grossir, quitte à rogner dans les marges. Ou faire attention à se centraliser sur des pôles qui marchent et couper les branches mortes et faire moins de chiffre d'affaires et faire plus de marge. Parce qu'on a tendance de temps en temps à vouloir voir le chiffre d'affaires et non pas la marge. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est la marge toujours. Vaut mieux faire 200 000 de marge avec un chiffre d'affaires d'un million que faire 15 millions et faire zéro de marge. Toujours. Et juste dernière question, tu t'es formé comment ? Je me suis formé chez des amis qui avaient des restaurants, en allant chez eux, en allant faire du service. En parlant avec eux. Ouais, quand j'étais gamin, moi je faisais du service pour payer mes conneries. Donc à partir de quand j'avais 16 ans, ça m'a permis d'avoir effectivement la main et de savoir de quoi je parlais. Quoi. Même businessment parlant, t'as réussi à... Bah oui, j'ai vu que le patron derrière la caisse, j'ai vu comment est-ce qu'il fonctionnait, j'ai vu ses suivis, j'ai vu à peu près ses marges au bas mot quand je voyais des factures ou quand je posais 2-3 questions, et puis je me suis un peu rendu compte et voilà, après je me suis pas rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière, j'ai juste vu l'aspect très... J'ai juste vu l'aspect surface quoi. De temps en temps, le monde de l'employé manque. Ça arrive parce que voilà, c'est des prises de risque. Mais après, c'est pour ça que c'est drôle et c'est pour ça que c'est des challenges. Parce que c'est ça qui est sympa aussi. Mais bon, l'entrepreneuriat ça intéresse toujours. Je voulais monter une sandwicherie. Ah bah voilà. J'ai toujours voulu monter des conneries. Moi j'ai toujours un truc en tête. Donc voilà. Mais après, bon, il faut savoir ce qu'on s'en fait. Bah non, j'ai envie que ça soit en France là. Je suis en train de développer quelque chose qui pourrait être à l'étranger, mais vous voyez, je suis en train de le faire en France. Alors on me dit, ouais, alors j'entends plein de gens, c'est une connerie, c'est n'importe quoi, faut pas faire ça, tu vas payer un maximum, tu vas te faire défoncer, en plus on embauche, c'est un cauchemar. Donc je dis aux gens, ouais, je suis un peu au courant. Et en fait, finalement, bah, je le fais en France parce que ça me saoule, parce que j'ai envie de rester en France et que voilà, et puis que je me marre ici, et puis que bah voilà, et je paye plus, et bah c'est pas grave, je paye plus en même temps, le pays est plus beau. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se payent quand même moins bien que leurs salariés, et ça, c'est régulier. L'entrepreneuriat en France, c'est pas une activité où tu t'enrichis personnellement. Ça, c'est pas vrai. Ça, ça existe si dans les startups les trucs comme ça, ça fonctionne, mais pas dans les commerces physiques, franchement, c'est dur. Les gens vivent, peuvent s'acheter une maison, peuvent faire des choses un peu mises à masse par fortune. Après, il y a toujours évidemment des exceptions, des groupes qui arrivent avec Monsieur Niel, qui injectent tant d'argent, ils ouvrent 5 restaurants d'un coup, avec un concept pipé avec des baratins. Ils cartonnent, ils revendent le groupe, c'est le monde de rêve. Mais à l'origine, voilà, c'est des gens qui ont fait des grandes écoles, qui ont appris avec tous leurs potes, c'est des secteurs de niche, ils sont investis par des potes de papa, ils ont de l'oseille de partout, ils montrent le projet, après ils leur vendent, voilà. Il y a des projets comme cela, ils leur vendent à des amis qui sont pareils, les potes de la famille, des trucs, et ça reste dans des cercles très fermés. Moi, c'est des trucs, ça m'a jamais plu, ces choses-là. J'ai jamais été dans ce truc-là parce que j'ai toujours laissé la chance aux gens aussi. Les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours aimé avoir des gens qui venaient de divers horizons, de tout type. Et c'est toujours ça qui m'intéressait, qui m'a plu dans le business de manière générale. Ouais. Et voilà, il faut savoir prendre les opportunités, mais c'est important de se consacrer à un projet, de le faire avec passion, de monter les choses. Voilà, il ne faut pas brûler toutes les étapes, je trouve. Voilà. Bravo pour ce projet, en tout cas. Tu l'as monté tout seul, quand même. Tu l'as autofinancé. C'est assez impressionnant. Voilà, il ne faut jamais se reposer parce que ça arrive très vite et un lieu devient périclite très rapidement. Surtout dans nos milieux-là où les choses changent très rapidement. Il faut vraiment être sur le qui-vive, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut être force de proposition, force de projet pour pouvoir entreprendre et justement faire des choses qui intéressent les gens pour qu'il voilà, y ait un afflux, etc. Merci beaucoup en tout cas, et à la prochaine, et puis tu me tiens au courant pour ta sandwicherie. Ah oui, la sandwicherie, un jour ça se fera. Plus tard, ça, quand je serai seul aux manettes de la sandwicherie, avec mon camion, et je ferai la sandwicherie.